défaite dans les cachots. Je te guiderai par des sentiers de mélodies et de prairies que la divinité me confie en secret. Je t'ai dit que ta vie avec moi serait douce, car Dieu, hélas, m'a one comme prophète et m'a accordé toutes ses bénédictions pour juger les vivants et les morts. Mais je ne suis pas que moi, je suis toi aussi. Aucun de mes terribles jugements ne sera sans la miséricorde que Marie partage en toi. Voix compatissante des condamnés.